Voilà, c'est l'intempestive. Dans l'intempestive, on écoute aujourd'hui la seconde partie de l'entretien avec Philippe Clément, infirmier psychiatrique et auteur de Bienvenue à l'hôpital psychiatrique et La forteresse psychiatrique. Dans la première partie de l'entretien, qui se trouve sur www.intempestive.net, on avait parlé du fonctionnement d'un hôpital psychiatrique, des hospitalisations sous contrainte, hospitalisation d'office ou hospitalisation à la demande d'un tiers, et on s'en était arrêté avec la question des chambres d'isolement, où peuvent être enfermés pour une durée indéterminée les malades jugés dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres. Sur la question du droit d'exception qui s'applique à l'intérieur d'un hôpital, vous revenez assez longuement sur le rapport à la loi, enfin entre l'institution et la loi, c'est-à-dire la loi au sens commun du terme, la loi qui s'applique à l'ensemble des citoyens d'un pays, mais également la loi dans un hôpital psychiatrique, c'est un ensemble de règles qui sont soit des règles médicales, soit des règles d'usage d'un service. C'est à cet ensemble de lois que le patient va devoir se confronter, être confronté, et son comportement va être jugé en fonction de son adaptation ou non à ce faisceau de lois. Voilà, complètement. Hein. Il y a un ensemble de. Alors, les gens disent la loi parce que je pense que ça fait mieux que la règle, mais c'est pas une loi dans le sens où ce sont des règles. Alors, ce sont des règles en plus qui sont soumises. Bon, qui sont. Alors, il y a les règles qui sont énoncées très clairement, voire même écrites, et puis il y a des règles qui sont comme ça, qui ont une durée de vie très, très courte à un moment donné. On ne sait pas toujours comment ça arrive, mais bon, il y a une règle comme ça qui apparaît pendant un moment donné, qui va durer pendant un temps, puis qui va tomber petit à petit dans désuétude. Enfin, c'est ce qui fait tout cet ensemble de règles. Alors, je vous dis, ça va des règles énoncées de manière très, très précise jusqu'aux choses un petit peu comme ça, très, très, très floues, mais tout ça fait ses lois, ce que les gens appellent la loi, comme ça. Ce qui fait de la psychiatrie, effectivement, un monde à part. Hein. Et puis souvent, ces règles, alors ce sont des règles qui s'appliquent évidemment collectivement. Donc tout le monde est logé à la même enseigne, quelles que soient les raisons pour lesquelles la personne est là, et eh bien c'est le règlement est comme ça. Donc on l'applique à tout le monde sans discernement. Et souvent ce sont des choses qui sont quand même assez aussi pour beaucoup d'une certaine manière infantilisantes. C'est infantilisant, déresponsabilisant. Donc il y a des règles comme ça. Alors il y a les règles qui s'appliquent collectivement, et puis il y a des règles qui s'appliquent aussi à certains patients à un moment donné, qui sont des choses qui visent un peu à une rééducation de la personne, mais une rééducation au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire qui se fait sur un système de sanctions, récompenses. Voilà, la personne qui va être un peu laissée aller au niveau de son hygiène, par exemple, ben on va lui dire vous aurez une cigarette quand vous aurez pris votre douche, et puis vous aurez une autre cigarette quand vous aurez fait votre lit, et puis ainsi de suite, des choses comme ça. Vous voyez, très, très, c'est ce qui est quand même extrêmement, extrêmement infantilisant, extrêmement. Parce que oui, parce que les patients n'ont pas le droit d'avoir eux-mêmes les cigarettes. Vous évoquez justement assez longuement le rituel de l'inventaire. Oui. Alors les cigarettes, ça dépend. Il y a des patients qui gardent leurs cigarettes. Il y a des patients à qui on les enlève. Alors, on les enlève parce que pour effectivement avoir un moyen de pression, ça existe. On enlève aussi des patients qui ont des cigarettes et qui sont à un moment donné trop perturbés, qui risquent de se les faire voler ou qui risquent de les distribuer comme ça, et puis en 10 minutes le paquet est vide, enfin bref, et ça pose après d'autres problèmes parce qu'il n'a plus de cigarettes, donc enfin, bon, tout ça est aussi très compliqué à gérer. Hein. Alors j'ai un peu perdu le fil là. Vous évoquiez l'inventaire, en fait, qui est un peu le moment clé où la personne qui arrive de l'extérieur devient un patient et à ce titre est privée d'un certain nombre de voilà, c'est une espèce de... Moi je vois ça alors comme une espèce de cérémonial, si vous voulez. Une des premières choses quand la personne arrive, eh bien il va y avoir le fameux inventaire. Alors on va faire l'inventaire de ce qu'elle a avec elle, les habits qu'elle porte sur elle, ce qu'elle a dans ses poches, et si elle a un sac ou des sacs, faire l'inventaire de ce qu'il y a dans son sac. Alors bon, Évidemment, tout de suite, l'inventaire, on dit, bah oui, mais c'est pour savoir ce qu'a la personne, de manière à ce qu'elle ait la même chose en partant. Enfin bon, voilà, bien savoir exactement ce qu'elle a avec elle, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas d'histoire. Bon. Alors même, et puis pour voir aussi, puisqu'elle entre en psychiatrie, évidemment, si elle n'a pas sur elle des médicaments, des choses avec lesquelles elle pourrait se faire du mal ou faire du mal à d'autres, enfin tout ce genre de précautions. Hein. Mais c'est quand même un moment extrêmement intrusif dans l'intimité des personnes, parce que on va ouvrir les sacs, on va vider le sac, on va vider le portefeuille, et on va trouver parce que un sac pour quelqu'un, il y a ces choses très personnelles dedans, voire des choses très très intimes. Enfin, l'exemple tout bête, quand vous êtes deux infirmiers hommes, vous avez une jeune femme devant vous et puis vous videz le sac, vous sortez une boîte de tampons par exemple. Bon, bah, la personne n'a pas forcément envie que tout le monde voit qu'elle a les tampons au fond de son sac. Je veux dire, c'est pas grave en soi, mais des petites choses comme ça rajoutées à d'autres, ça finit par faire que les gens. D'ailleurs, on a l'impression qu'on a tout pouvoir sur ces personnes, et puis que la personne est là, elle doit se livrer complètement, mais vraiment dans tous les aspects de ce qu'elle est, de son existence. Hein, on va trouver. Dans un sac, on va trouver des pièces d'identité, on va trouver des photos de proches, on va trouver tout un tas de choses qui sont quand même très personnelles, et c'est extrêmement, extrêmement intrusif. Alors, effectivement, il y aurait peut-être d'autres façons de faire. On peut, pourquoi faire un inventaire comme ça dans les minutes, dès que la personne rentre, c'est la première chose qu'on va faire, c'est ce fameux inventaire. On peut quelquefois aussi attendre que la personne soit un petit peu, parce que un petit peu mieux, il y a toujours un endroit où les choses peuvent être mises en sécurité. Bon, je crois que c'est pas. Donc tu vois, au-delà de la nécessité purement fonctionnelle, purement très très très pratique, il y a aussi quand même, c'est quand même une espèce de cérémonial qui finalement. C'est une manière de faire comprendre à la personne, à partir de maintenant, vous avez un autre statut, finalement celui de malade mental. Vraiment, c'est ce statut-là que vous endossez pour on ne sait pas combien de temps, mais en tout cas, c'est ce statut-là, ce qui veut dire que vous n'aurez plus accès, comme vous voulez, quand vous voulez, à vos affaires, vous n'aurez pas, ou en tout cas pas à toutes vos affaires, un certain nombre de choses qu'on va garder, enfin bon... Tout ça, c'est quand même pas très respectueux, on pourrait dire, du sujet, pour employer un mot, et puis de l'intimité des personnes, de ce qui leur est tout à fait personnel. Hein. C'est pas parce qu'on est malade mental qu'on n'a pas une histoire, qu'on n'a pas une intimité, qu'on n'a pas un certain nombre de choses qu'on a envie de préserver, ou en tout cas qu'on n'a pas envie de des choses qu'on n'a pas envie de livrer comme ça au premier venu, parce que on a beau être les soignants du service dans lequel la personne est accueillie, avant tout, on est les premiers venus, on est des inconnus. En plus, il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal dans cette privation totale d'autonomie de la personne. Vous parliez tout à l'heure d'une jeune femme dont on trouve les tampons, mais également après, un peu plus tard, que cette jeune femme doit venir aller demander un parrain quand elle a ses règles. Une femme qui prend la pilule, elle doit venir rappeler qu'elle doit prendre la pilule. Sur des choses, voilà, pour tout ce qui est moyen de contraception, les choses au moment où une femme est indisposée. Et effectivement, ça peut être gênant pour des femmes de venir demander. Alors, évidemment, s'il y a des infirmières, évidemment, vont s'adresser de préférence à une autre femme, c'est toujours moins gênant. Mais quelquefois, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a que des infirmiers, ils sont bien obligés de venir demander. Et ça peut être extrêmement gênant. Et... Par rapport à l'injonction, justement, de re-responsabilisation, aussi, de voilà, réinsertion sociale, voilà, c'est un petit peu étonnant. Je ne vois pas en quoi laisser une personne une boîte de tampons périodique, ça bon, je ne connais pas de cas de suicide par tampon périodique. En tout cas, je n'ai pas connaissance de ça. Bon... La question de la pilule, alors c'est compliqué parce que c'est évidemment assimilé comme quelque chose qui est aux médicaments, et que donc évidemment qu'un patient en psychiatrie ne se promène pas avec des médicaments dans la poche. Bon, Donc, il y a la question derrière aussi de l'interdiction des rapports sexuels dans un hôpital psychiatrique entre patients, quoi. Oui, alors ça, c'est effectivement, c'est bon, il n'y a pas de sexuel, enfin, c'est l'interdiction de rapports sexuels à l'intérieur d'un service. Bon. Alors évidemment, peut se dire, ça s'explique, on pourrait dire, ça se justifie par l'absence finalement d'intimité, parce qu'il n'y a pas d'intimité dans un endroit comme ça. Donc évidemment, pour faire ce qui peut y avoir de plus intime dans la vie de personne, des personnes, s'il n'y a pas d'intimité possible, c'est compliqué. Hein. Mais bon, ce sont des choses qui sont énoncées comme ça. Il n'y a pas. Enfin, puis de toute façon, de manière générale, la sexualité des malades mentaux, c'est quelque chose de pas. C'est tabou, ou en tout cas, qui est toujours abordé du côté d'une manière pas très saine, quoi. Hein, je me souviens, je ne sais plus dans quel hôpital c'était, mais peu importe, ça aurait pu arriver dans n'importe lequel. Un jour, je vois une note de service, j'arrive dans le service, je vois une note qui était affichée. Et donc se mettait en place au sein de cet hôpital un groupe de réflexion sur la sexualité des patients. Très bien, parfois, bravo, chapeau. Bon, on descend un petit peu plus bas, et là, les chantés, premier thème abordé, le viol et les maladies sexuellement transmissibles. Évidemment, quand on aborde la question de la sexualité hein, sous l'angle des MST et puis du viol, bon, je me suis dit, bon, les gens qui participent à ce groupe de travail, ça serait peut-être bien de travailler sur leur propre rapport à la sexualité d'abord, avant de se lancer dans des réflexions sur celle des patients. Mais bon, tout ça, ça montre bien que bon, il peut pas y avoir finalement de sexualité saine et de sexualité positive, je serais tenté de dire, chez des malades mentaux. Quoi. C'est quelque chose, je pense, qui n'est pas imaginable dans la tête des personnes, des gens et notamment des soignants. Hein. Parce qu'évidemment, je pense que ce qui vient évidemment tout de suite à l'esprit, sexualité, procréation, non. Ils sont complètement schizophrènes, ils vont pas en plus faire des petits, quoi. Faut pas déconner. Non, je dis les choses de manière un peu comme ça brute, mais c'est comme ça que ça se passe. J'en suis absolument persuadé dans la tête des gens. Hein. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens. Tu viens, chérie. Chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Tu viens, chérie. Et devinez le titre, c'était « Tu viens chérie » de Bernard Heitzig. Tout de suite, on revient dans la tempestive sur Fréquence Paris Pluriel à l'entretien avec Philippe Clément, infirmier psychiatrique. Tu viens. On peut peut-être aborder la question, enfin, redévelopper sur cette question de la négation du sujet, en fait, à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique. La personne qui est hospitalisée est complètement privée de son statut de sujet, n'est plus considérée comme pouvant intervenir sur elle-même, pouvant savoir ce qui est bon pour elle ou non. L'institution fait le bien pour elle. Et il y a une sorte de jugement moral qui est appliqué de cette manière-là sur les personnes qui sont hospitalisées librement ou sous contrainte. Complètement. De toute façon, la négation du sujet, elle commence à partir du moment déjà avec le diagnostic, parce que hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est quand même très prégnant, c'est que trop souvent, pratiquement systématiquement, le diagnostic résume l'ensemble de la personne. C'est-à-dire que la personne dont on a dit qu'elle était schizophrène, elle n'est plus que schizophrène, donc tout ce qu'elle va faire, dire, etc., va être analysé à travers ou interprété à travers le diagnostic. Hein. Et cette personne donc n'est pas en mesure de dire quoi que ce soit. De ce qui la concerne, de ce qui est sa vie, son histoire, elle n'a plus rien à dire d'elle-même. Hein. Foucault disait que la psychiatrie, c'est un monologue de la raison sur la folie. Hein, c'est, voilà, tu es un malade mental, donc tu ne sais rien. De toute façon, tu ne peux rien dire sur toi-même, sur ta souffrance, sur ce qui t'arrive, sur ce que tu as vécu avant, sur ce que tu voudrais vivre après, parce que de toute façon, tu es un malade mental et que tu ne sais rien de toi-même, de ce qui t'est arrivé, de ce qui t'arrivera. Tu peux pas. Hein, les personnes deviennent sont totales. C'est vraiment une véritable infantilisation, et même au-delà de l'infantilisation, il y a cet a priori hein, que les personnes malades mentales sont incapables et irresponsables, hein, et qu'à partir de là, ben, on va décider pour elles, on va dire ça, il faut faire ça, il faut pas faire ça, faire comme ça. Bon, et on voit bien effectivement, alors il y a des projets qui sont faits quelquefois pour des personnes auxquelles elles ne sont pas très peu associées, ou si elles y sont associées, de toute façon, on sait bien aussi que le malade, ben, le malade, il va avoir, d'une certaine manière, même si c'est pas conscient, il aura envie de faire plaisir aux soignants. Donc il va, même du bout des lèvres, dire oui pour tel ou tel projet, mais ça ne sera pas véritablement son projet. Donc on va mettre le projet en place, et puis ça va se casser la gueule au bout de quelques temps, et puis on va dire, bah, de toute façon on ne peut rien faire, vous voyez bien, c'est psychotique, ils sont paresseux, ils ne veulent rien faire, vous leur faites un projet, vous y travaillez 6 mois, ils foutent tout en l'air en 3 jours, enfin bon... c'est parce que c'est pas leur projet, c'est véritablement décidé. Vous parlez du cas d'un jeune homme de 20 ans notamment qui préférait aller à la cafétéria, retrouver des personnes hospitalisées du même âge que lui et qui étaient extrêmement rétifs au fait de participer à des activités d'ergothérapie qui lui semblaient pas très passionnantes parce que d'une part, il appelait ça de l'enfilage de perles et puis il n'était pas payé pour ça. Et que vous trouviez, lui, la réaction du service par rapport, du personnel soignant par rapport à ce jeune homme était plutôt violente, quoi. Enfin, de dire il refuse absolument tout. Vous trouviez, vous, sa réaction plutôt saine et normale pour celle de quelqu'un de 20 ans, quoi. Bah effectivement, on revient à ces questions de règles et de règlements. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose, des choses qui sont décidées. Voilà, tel patient devra aller à l'atelier d'ergothérapie, enfiler des perles ou faire des dessins, je sais pas trop quoi, de telle heure à telle heure, tel jour et tel jour. Moi je sais pas si on me dit tu iras faire de la peinture sur soie mardi entre 15h et 18h, bah, peut-être que mardi j'aurais peut-être pas forcément envie d'aller faire de la peinture sur soie. Et je prendrais très mal le fait qu'on m'impose de faire de la peinture sur soie à ce moment-là. Je vois pas. Et effectivement, c'était un jeune homme de 20 ans bah, qui n'avait qu'une envie, c'était d'aller à la cafétéria de l'hôpital, retrouver des gens de son âge pour pouvoir se raconter ce qu'on se raconte à 20 ans. Et puis voilà, il avait envie, malgré sa situation d'hospitalisé, il avait quand même envie de vivre ce qu'ont envie de vivre des jeunes gens et des jeunes filles de 20 ans, c'est-à-dire se rencontrer entre eux, et puis écouter de la musique, fumer une cigarette, se raconter des histoires de drague, enfin je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Mais le fait de vouloir vivre... ce que vivent les gens du même âge, et ben ça montrait. Alors, c'était pas tellement que d'un point de vue de ses soins, il ratait quelque chose en allant pour enfiler des perles ou faire de la peinture sur soi. Mais ce qui était surtout mal vécu, c'est qu'il refusait de se plier aux règles. Ça, on revient toujours à ces histoires-là. C'est ça qui était mal vécu. Alors, comme on pouvait pas dire oui. Il veut pas se plier aux règles, en gros c'est un rebelle, on peut pas dire ça parce que ça c'est pas des choses qu'on peut dire en tant que soignant. On dit oui mais enfin quand même la peinture sur soi ça serait thérapeutique, enfin bon voilà, c'est dommage que... mais effectivement c'est... Et ça on le retrouve à plein de niveaux, alors de manière plus ou moins marquée, plus ou moins nette, mais hein, toujours on veut programmer finalement l'histoire de... pas l'histoire, mais on va reprogrammer la vie des gens, finalement, d'une certaine manière. C'est comme si on voulait, effectivement, changer le logiciel. Enfin, je sais pas. mais on veut amener les gens à se... la psychiatrie, finalement, ce qui s'y passe, c'est essayer de reprogrammer l'existence des gens, plutôt que de les accompagner dans ce qu'ils veulent faire, dans ce qui est vraiment leur désir, quitte à ce qu'il se plante à un moment donné, mais qui s'est pas planté dans sa vie, dans ce qu'il a voulu faire, à un moment donné, ça n'a pas marché, mais on prend une autre direction, et puis peut-être en espérant que ça va mieux marcher, puis des fois on se replante, ça recommence, c'est pas très grave. Hein. Mais les patients, eux, dans ce qu'ils sont supposés vouloir faire, ils n'ont pas le droit de se planter, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Quoi. Enfin, c'est Castel qui disait que... non seulement le but de la psychiatrie c'était de ramener les personnes dans la norme, mais qu'une fois à l'intérieur de cette norme, ils devaient être encore bien plus irréprochables que les autres. Quoi. Il fallait vraiment être dans la normalité absolue. C'était ça le but. Hein. Oui, c'est bon. Là aussi, c'est quand même extrêmement violent parce que. Bon, hein, donc, alors ce qui amène des choses au niveau des pratiques très très quotidiennes en psychiatrie. Enfin, si on voit ça notamment dans le travail en extra-hospitalier, donc quand on suit les gens à l'extérieur dans le cadre par exemple des fameuses visites à domicile, alors on va visiter un patient chez lui. Hein, moi j'ai entendu des choses quand je travaillais dans un centre, dans un CMP. Centre médico-psychologique, voilà, des visites à domicile. Ah ouais, mais alors t'as chez cette personne, mais il était 2h de l'après-midi, la vaisselle et un évier plein de vaisselle, le lit était pas fait et tout. Et moi je me dis, oula, qu'ils ne viennent jamais chez moi parce que sinon je vais finir à l'HP, quoi. Hein, vous voyez, donc il faut qu'ils soient encore plus. Hein, ils sont. au niveau de la gestion de leur budget, enfin des gens qui vivent avec une allocation adulte handicapé, la fameuse AAH, qui doit correspondre à quelque chose comme, je ne sais pas exactement les tarifs aujourd'hui, mais bon, c'est en gros entre 600 et 800 euros par mois. Des gens qui doivent vivre avec entre 600 et 800 euros par mois et qui devraient gérer leur budget de manière extrêmement rigoureuse. Voilà. Bon, si on pouvait consulter les comptes en banque de certains soignants en psychiatrie, on serait peut-être surpris des découvertes qu'on pourrait y trouver. Bon, c'est, hein. Mais ce sont les mêmes qui vont pouvoir prétendre faire des reproches à quelqu'un qui aura un peu trop dépensé de son âge, tel mois, ou des choses comme ça, vous voyez. Donc, hein, c'est une chose qui m'a toujours beaucoup marqué depuis que je travaille en psychiatrie, hein, c'est à quel point, dès que les gens sont investis d'un pouvoir, de disposer d'un pouvoir sur d'autres personnes, comment très rapidement ils peuvent en user et souvent en abuser. Hein. Le pouvoir, c'est quelque chose de redoutable. Situation présente. Cette chambre semble être à moi. Je ne m'explique pas autrement qu'on m'y laisse, depuis le temps. À moins qu'une puissance quelconque le veuille, cela est peu vraisemblable. Pourquoi les puissances auraient-elles changé à mon égard? Il vaut mieux adopter l'explication la plus simple, même si elle l'est peu, même si elle n'explique pas grand-chose. La grande clarté n'est pas nécessaire. Une faible lumière permet de vivre dans l'étrange. Une petite lumière fidèle. J'ai peut-être hérité de la chambre à la mort de la personne qui était avant moi. Je ne cherche pas plus loin, en tout cas. Ce n'est pas une chambre d'hôpital ou de maison d'aliénés, ça se sent. J'ai prêté l'oreille à diverses heures de la journée, sans jamais rien entendre de suspect ou d'inusité, mais toujours les bruits paisibles de l'homme en liberté, se levant, se couchant, se faisant à manger, allant et venant, pleurant et riant, ou bien rien. Et quand je regarde par la fenêtre, je vois bien, à certains indices, que je ne suis pas dans une maison de repos quelconque. Non. C'est une chambre de particulier ordinaire dans un immeuble courant, apparemment. Je ne me rappelle pas comment j'y suis arrivé. Dans une ambulance, peut-être. Un véhicule quelconque, certainement. Je m'y suis trouvé un jour, dans le lit. Ayant sans doute perdu connaissance quelque part, je bénéficie forcément d'un hiatus dans mes souvenirs qui ne reprennent qu'à mon réveil ici. Quant aux événements aboutissant à la syncope et auxquels sur le moment je n'ai pas dû être insensible, il n'en reste rien dans ma tête d'intelligible. Mais qui n'a eu de ces oublis? Les lendemains d'ivresse en sont coutumiers. C'est une chambre ordinaire. J'ai connu peu de chambres, mais celle-ci me paraît ordinaire. Au fond, si je ne me sentais pas mourir, je pourrais me croire déjà mort, en train d'expier ou dans une des maisons du ciel. Mais je sens enfin que le temps m'est mesuré. J'avais davantage l'impression de l'outre-tombe il y a seulement 6 mois. Si l'on m'avait prédit qu'un jour je me sentirais vivre de cette façon, j'aurais souri. Cela ne se serait pas vu, mais moi, j'aurais su que je souriais. Je me rappelle bien ces derniers jours. Ils m'ont laissé plus de souvenirs que les quelques 30 000 précédents. Le contraire aurait été moins surprenant. Quand j'aurai fait mon inventaire, si ma mort n'est pas prête, j'écrirai mes mémoires. Tiens, j'ai dit une plaisanterie. C'est bien. C'est bien. Il y a une armoire dans laquelle je n'ai jamais regardé. Mes possessions sont dans un coin, pêle-mêle. Avec mon long bâton, je peux les remuer, les amener jusqu'à moi, les renvoyer à leur place. Mon lit est près de la fenêtre. Je reste tourné vers elle la plupart du temps. Je vois des toits et du ciel, un bout de rue aussi si je fais un grand effort. Je ne vois ni champs ni montagnes. Ils sont proches, cependant. Après tout, qu'est-ce que j'en sais ? Je ne vois pas la mer non plus, mais je l'entends quand elle est grosse. Je peux voir dans une chambre de la maison d'en face s'y passent quelquefois des choses bizarres. Les gens sont bizarres. Peut-être s'agit-il d'anormaux. Eux aussi doivent me voir. Ma grosse tête hirsute tout contre la vitre. Je n'ai jamais eu autant de cheveux qu'à présent, ni d'aussi long, je le dis, sans crainte d'être contredit. Mais la nuit, ils ne me voient pas, car je n'allume jamais. Je me suis un peu intéressé aux étoiles ici, mais je n'arrive pas à m'y retrouver. En les regardant une nuit, je me suis vu soudain à Londres. Est-ce possible que j'ai poussé jusqu'à Londres ? Et les étoiles qu'ont-elles à voir avec cette cité ? En revanche, la lune m'est devenue familière. Je connais bien maintenant ses changements d'aspect, d'orbite. Je sais à peu près les heures où je peux la chercher dans le ciel et les nuits où elle ne viendra pas. Au début, les choses se passaient autrement. La femme venait dans la chambre, s'affairait autour de moi, s'enquérait de mes besoins, de mes volontés. J'ai fini quand même par les lui faire comprendre, mes besoins et mes volontés. J'ai eu du mal. Elle ne comprenait pas. Jusqu'au jour où j'ai trouvé les termes, les accents adaptés à son cas. Tout ça doit être à moitié imaginaire. C'est une vieille femme. Je ne sais pas pourquoi elle est bonne pour moi. Oui, appelons ça de la bonté, sans chicaner. Pour elle, c'est sûrement de la bonté. Je la crois encore plus vieille que moi, mais plutôt moins bien conservée, malgré sa mobilité. Peut-être fait-elle partie de la chambre, en quelque sorte. En ce cas, elle n'appelle pas une étude à part. Mais il n'est pas exclu qu'elle fasse ce qu'elle fait par charité, par un sentiment moins général de pitié ou d'affection à mon endroit. Tout est possible. Je vais finir par le croire. Mais il est plus commode de supposer qu'elle m'est dévolue, au même titre que la chambre. C'était des extraits de Malone meurt de Samuel Beckett, lu par Jérôme Kirchen. Et on revient maintenant, toujours sur FPP dans la tempestive, à l'entretien avec Philippe Clément, infirmier psychiatrique. Les gens sont bizarres. Mais justement, puisqu'on aborde la question du secteur, enfin de pas de l'hospitalisation, justement du fait que les gens peuvent sortir de l'hôpital et sont parfois amenés à être réinsérés au maximum dans la société civile. Est-ce que vous pourriez décrire justement un petit peu, comme on a fait tout à l'heure pour l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, comment est-ce que ça se passe pour une personne malade mentale à l'extérieur? Alors, il y a plusieurs cas de figure, évidemment. Hein, mais quand une personne sort de l'hôpital, bon, elle va être après... On ne peut pas lui imposer, mais on va lui proposer évidemment des soins dans le cadre du secteur. Donc consultation au CMP, donc centre médico-psychologique, et puis quelquefois passer un temps dans la semaine, par exemple dans le cadre de l'hôpital de jour, il y a un certain nombre d'activités qui sont proposées. On va pouvoir leur proposer aussi des visites à domicile, donc une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, il y a des personnes du CMP qui vont aller les voir à domicile. Enfin, il y a tout un suivi comme ça. Hein. Mais un suivi auquel les personnes ne sont pas tenues. Il n'y a pas d'obligation de soins. Hein. Mis à part quand les personnes sont encore dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement et qu'elles bénéficient de ce qu'on appelle une sortie d'essai, où là, il y a une obligation hein, d'aller au CMP. Mais quelqu'un qui sort de l'hôpital... pas l'obliger à aller au CMP, on peut pas l'obliger. Hein, donc, mais bon, là aussi, quelquefois, les choses sont pas aussi simples et aussi réglo que ça, parce qu'on a, y a aussi certains, alors pas partout, pas dans tous les secteurs, mais il y a des secteurs qui trouvent des des stratégies comme ça pour que les patients ne soient pas en rupture de suivi et en rupture de traitement. Hein. Notamment quelque chose moi, que j'ai vu pratiquer à quelques endroits, dans le cas de patients qui sont sous tutelle. Hein. Il y a une entente entre l'équipe du CMP et le tuteur. C'est-à-dire que le tuteur ne donne plus l'argent hebdomadaire directement à son protégé, mais l'argent transite par le CMP. Hein, et on dit aux patients, vous aurez vos 30 euros hebdomadaires quand vous serez venu voir le psychiatre, quand vous serez venu chercher vos médicaments, des choses comme ça. Vous voyez. Et ce qui est aussi complètement illégal. Hein, y a pas, le tuteur donne l'argent à son protégé, il ne donne pas l'argent à Pierre, Paul ou Jacques, même s'ils sont infirmiers psychiatriques. Vous évoquez aussi l'histoire d'une femme qui avait mis de côté quelques sous au fur et à mesure, etc., pour pouvoir s'acheter une robe. Ce que n'a pas du tout apprécié la soignante qui la suivait. Voilà, hein, donc une personne qui arrive à économiser parce qu'ils ont envie de se. Alors, cette personne avait envie de se faire plaisir à un moment donné. Elle disait bon, quand je mette un peu d'argent de côté toutes les semaines, et puis quand j'aurai suffisamment, j'irai m'acheter une robe. Enfin, elle avait envie de se faire plaisir comme n'importe qui. Et ça a été extrêmement, effectivement, mal vécu par l'infirmière qui l'a suivie, hein, qui estimait qu'elle ne devait pas, comme ça, prendre des initiatives, comme ça, de son propre chef. Il fallait forcément qu'elle en réfère d'abord à son infirmière référente, c'est pour le coup. Et il y avait comme ça. C'est pour ça que l'enfermement, je parlais d'enfermement tout à l'heure, il est évidemment moins visible à l'extérieur, mais il est tout aussi prégnant pour les personnes. Hein, c'est quelquefois, dans certains endroits et de la part de certains professionnels, le suivi à l'extérieur de l'hôpital s'apparente plus à de la surveillance qu'à un suivi ou un accompagnement. Hein. Les personnes, à un moment donné, ont été fragilisées par un épisode délirant, des choses comme ça, et qu'après on les accompagne pour un certain nombre de démarches, pour un certain nombre de choses dans leur vie, mais on les accompagne, on n'est pas là pour les surveiller, on n'est pas là pour leur dire tu as le droit de faire ça ou pas de faire ça. Hein, parce qu'évidemment que si on est... Si on les déresponsabilise un maximum pendant un temps très long, la personne après ne sera plus en capacité de se responsabiliser elle-même, et c'est là qu'elle risque de faire des choses, enfin de faire un peu n'importe quoi pour le coup. Mmh. C'est complètement cette espèce de surveillance comme ça est complètement contre-productive par rapport au but recherché, qui est quand même que la personne puisse être au maximum autonome, se débrouiller seul le plus possible et avoir le moins à faire possible avec la psychiatrie. C'est très contre-productif et c'est extrêmement normatif, encore une fois. Vous évoquez aussi la phrase qui est encore de Pinel, il me semble, où il s'agit de réintégrer le fou, je cite, dans un type social moralement reconnu et approuvé. Voilà, hein, c'est, oui, tout à fait. Hein. C'est Pinel qui donnait cette guérison-là de... La guérison, c'est la stabilisation dans un type social moralement reconnu et approuvé. Alors, les termes font sourire aujourd'hui, mais bon... Moyennement, oui. Hein, moyennement. Oui, enfin, moyennement, c'est ouais. dans la formulation. Ouais, ouais, bon. Ouais. Mais bon, y a pas de, c'est comme ça que ça fonctionne. Le but, c'est quand même d'arriver à ce que la personne entre dans la norme, hein, et qu'elle se comporte que le psychotique se comporte comme un névrosé moyen, c'est-à-dire comme quelqu'un qui se lève tous les matins pour aller faire un boulot qui l'emmerde, et puis qui attend avec impatience le week-end. Il arrive le vendredi soir, il est complètement crevé, et puis voilà, il va passer 2 jours, et puis il va repartir le lundi, et puis il va attendre les congés. Bon, hein, comme disait, je crois, des proches, hein, que l'être humain est le seul animal domestique qui peut faire la même chose pendant 50 ans sans jamais tirer sur sa chaîne. Voilà, c'est à ça aussi qu'on veut amener nos patients. Alors, on aurait effectivement peut-être des choses à apprendre de la part de ces personnes, plutôt que de les regarder comme des êtres comme ça, qui n'ont pas de morale, irresponsables, incapables. Eh bien, ils sont... Hein, ça me fait penser. L'histoire, une des histoires que je raconte dans mon deuxième bouquin, hein, de ce type qui un jour me dit comme ça, il est hospitalisé pour je ne sais plus quelle raison, mais il me dit, mais le médecin qui me voit, il est complètement fou. Je dis, ah bon, mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu dis que le médecin il est complètement fou? Et on discute un moment, puis il finit par me dire. Il me dit, non, mais attends, le médecin, il veut que j'aille travailler dans un CAT, c'est Centre d'aide par le travail, ces usines pour au rabais, là. Il me dit, mais il n'est pas bien, il veut que j'aille travailler au CAT. Moi, en deux jours de business, je gagne bien plus que ce que je gagnerais au CAT en un mois. Que lui répondre, évidemment, continue ton business. Hein? Alors, surtout que ce n'était pas son business, il traficotait un petit peu des petits trucs, des postes de radio, des matériels comme ça, des téléphones portables. Bon, c'était vraiment du business bien, bien inoffensif en plus. Le médecin lui proposait de travailler dans un CAT, c'est-à-dire agrafer des cartons ou des choses, 8 heures par jour pour même pas le SMIC. Donc lui, il ne voulait pas m'entendre parler. Non, c'était complètement... Voilà, bon, vous évoquez aussi une jeune femme qui était arrivée justement à l'hôpital psychiatrique parce qu'elle ne supportait plus son environnement de travail dans un centre de tri postal et qui après, en voyant comment, les règles à l'intérieur de l'hôpital et après les règles quand elle est réintégrée dans la vie civile, quoi, mais suivie par un personnel médical qui dit... j'ai 20 ans, il voudrait que je vive comme une femme de 60 et c'est ça qu'il trouverait normal. Voilà, c'est ça. Hein, elle travaillait, donc alors elle avait un boulot donc, au tripostal. Bon, j'ai jamais fait le tripostal, mais enfin j'imagine que ça ne doit pas être très palpitant comme boulot, comme pas mal de boulot d'ailleurs. Mais oui, effectivement, alors il fallait qu'à 20 ans, où elle était une très jeune femme, et ce qui était... recherché à travers tout ce qui lui était dit, tout ce qui les conseils qui pouvaient lui être donnés, enfin tout ce qu'on mettait en place autour d'elle, effectivement, il aurait fallu qu'elle mène la petite vie d'une rangée de quelqu'un qui va travailler bien, bien sagement toute la journée, qui range bien sa maison, qui, vous voyez, en faire la femme modèle début du XXe siècle, quoi. Enfin, début XXe siècle, non, parce qu'il fallait quand même... En plus qu'elle aille travailler. En plus de bien tenir sa maison. Donc, effectivement, on est sur des valeurs, on se rend compte, extrêmement... des choses très, très moralisantes, quoi. Enfin, et puis très normatives, comme vous disiez. Mmh. Hein. Et ce à quoi des gens, par exemple, qui sont dans la psychose, mais ne sont pas du tout, n'adhèrent pas du tout à ce genre de choses. Nos petites préoccupations de névrose et moyens, ils y sont pas, c'est pas leur truc, quoi. C'est pas leur truc. Alors pourquoi chercher à leur imposer plutôt que d'essayer de les accompagner de manière à ce qu'ils puissent vivre leur truc, vivre leur psychose de la manière la plus confortable pour eux, la plus confortable pour leur environnement, enfin qu'il y ait enfin qu'on accepte qu'il y ait des gens qui sont différents. Mais qu'on accepte cette différence et qu'on essaie de s'arranger pour les aider à vivre leur différence au mieux. Enfin, au mieux pour tout le monde, pour eux et pour les autres. Pourquoi vouloir à tout prix les faire rentrer dans un modèle qui, de toute façon, ne leur correspond pas? C'est Patrick Cochot que j'avais rencontré auparavant qui parlait du droit à la folie. Voilà, exactement, le droit à la folie, effectivement, c'est la seule chose, ce droit-là, effectivement, tout le monde a l'air de l'oublier, on parlait, c'est extrêmement important, on sait bien que c'est important. Alors, les gens le disent d'un point de vue théorique, c'est quelque chose qu'ils comprennent, mais quand après il faudrait le mettre en application, ça marche plus, enfin ils veulent plus, hein, c'est qu'effectivement, on sait très bien qu'un patient psychotique, ben, par moment, il a besoin de délirer, tout simplement. Hein, c'est un peu pour lui une espèce de comme de soupape de sécurité, c'est un moment où qui lui permet de vivre autre chose, même si c'est quelque chose et pas toujours rose et joyeux, mais en tout cas c'est voilà, hein, en tout cas s'il a besoin de vivre ça, c'est pour échapper, en tout cas, c'est pour échapper à autre chose. Hein. Et donc, effectivement, même ce droit-là, il n'existe plus. Alors, il existait jusqu'à, il n'y a encore pas si longtemps, à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique. Parce que malgré tout, il y a des endroits, dans certains hôpitaux psychiatriques, où ce... Bon, alors, il y a toujours toutes ces règles extrêmement contraignantes, rigides, mais en même temps, alors c'est, ça aussi c'est un petit peu paradoxal et pas évident à expliquer, il y a aussi une espèce de pas mal de tolérance quand même, notamment vis-à-vis des comportements, on peut dire. Et donc il y avait encore à l'hôpital psychiatrique, le droit d'être fou était encore relativement préservé. Sauf qu'aujourd'hui, même à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique et à l'intérieur du service de psychiatrie, même ce droit-là, il n'est plus reconnu finalement, parce que voilà, question de reconnaissance de droit. Hein, et là, non, là, être fou aujourd'hui, même à l'hôpital psychiatrique, non, ça convient pas. Hein. Si bien que dès que les gens commencent à dire des choses ou alors avoir des comportements un petit peu comme ça, il faut vite faire quelque chose, il ne faut surtout pas les laisser déborder, comme on dit, et partir. Ce truc. Bon, ils délirent quand même, ça ne les empêche pas, parce qu'on peut faire ce qu'on n'y arrivera pas, de toute façon. Ils sont plus forts que nous, comme disait Chapik. Malheureusement. Mais n'empêche qu'il y a toujours cette volonté de les ramener encore, toujours dans la norme, toujours. Hein, et de manière, quand même, quelquefois, c'est quand même violent, quoi. Soleil métallique. Soleil métallique. Soleil métallique. Soleil métallique. Soleil métallique. Cela est métallique. Cela est métallique. Cela est métallique. Cela est métallique. Cela est métallique. Cela est métallique. Cela est métallique. Cela est métallique. Cela est métallique. Cela est métallique. Cela est métallique. Cela est métallique. Cela est métallique. Cela est métallique. Cela est métallique. Cela est métallique. Cela est métallique. Cela est métallique. C'était Le Soleil mécanique d'Henri Chopin. Et tout de suite, toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans la Tempestive, on retourne à l'entretien avec Philippe Clément, infirmier psychiatrique. Quelle blague ! Quelle blague ! Bon, mais rassurez-nous, il y a quand même des personnes, qu'ils soient psychiatres, infirmiers comme vous ou autres, qui résistent un peu à cet endroit des choses et qui essayent d'inventer un peu une autre relation à la folie, une autre manière de l'envisager, etc. Ben oui, heureusement. Heureusement, mais... Alors moi, j'ai toujours fait le choix de travailler dans la psychiatrie publique, hein. Donc dans des endroits quand même pas faciles, hein. Et donc moi ce que je peux décrire et ce dont je peux parler, c'est pas le meilleur côté, c'est pas le plus réjouissant, hein. Alors, me demandez pas pourquoi, c'est mon masochisme professionnel sûrement qui m'y pousse, mais je crois que s'il y a un espoir aujourd'hui, hein, il est du côté de l'associatif, des associations, et notamment ce qui me plaît bien là, actuellement, hein, depuis 2005 je crois, hein, c'est les groupes d'entraide mutuelle, hein, là sont des patients qui sont regroupés en association et qui gèrent leur truc, qui s'entraident, qui font un certain nombre de choses ensemble ou pas ensemble d'ailleurs, parce que ensemble et pas tout seul, ils sont passés par un truc fermé entre malades ou anciens malades, puis ce sont des endroits quand même très très ouverts, où tout un chacun peut aller participer. Et je pense que ce sont des gens aussi qui réfléchissent et qui ont des choses à dire sur ce qu'ils ont vécu, sur leur expérience de folie, et qui ont des choses à dire sur la psychiatrie, de la manière dont ils ont été traités en psychiatrie, positive ou négative d'ailleurs. Et il serait bien que ces gens qui commencent à s'organiser, qui commencent à prendre la parole, qui commencent à dire des choses, on serait bien inspiré de les écouter, hein, d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, parce qu'ils ont un certain nombre de choses à nous apprendre, ça c'est indéniable. Oui, ils ont un savoir sur, à la fois sur leur propre folie, ou sur leur, sans parler de folie, de leur propre souffrance ou difficulté, puis sur l'institution psychiatrique elle-même. Oui, parce que l'institution psychiatrique, le fonctionnement de l'institution, ça, ils le connaissent. Ils le connaissent bien, et d'ailleurs, certains savent très bien l'utiliser. Et c'est ça. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent mal vécu. Oui, les gens profitent de l'institution, il est manipulateur, il est... C'est une bonne guerre. Il est là, il n'a pas demandé, il essaie d'en tirer des bénéfices. Ben, c'est qu'il ne va pas si mal que ça. Et puis oui, sur leur expérience aussi. Évidemment, ils ont des choses à dire sur leur expérience, parce qu'il y a des tonnes de bouquins qui ont été écrits sur les expériences, les délires des schizophrènes, sur ceci ou sur cela. Peut-être aussi laisser des personnes qui ont traversé ces expériences aussi en parler, parce qu'elles savent en parler, même si elles n'en parlent pas avec les mêmes termes que les professionnels de la psychiatrie, elles en parlent à leur manière, avec leurs termes, mais en tout cas, c'est intéressant, et c'est à écouter aussi, et ça peut nous apprendre pas mal. Et on se rendrait compte que ce ne sont pas des personnes qui sont complètement irresponsables, incapables, et en tout cas, qui sont pas spécialement dangereuses, en tout cas pas plus dangereuses que n'importe qui qu'on peut croiser dans la rue. Enfin, ça aussi, voilà. Il y a notamment le GEM des Amis de l'Atelier du Non-Faire, ou bien l'Atelier du Non-Faire lui-même, dont on préparera plus tard un documentaire dans cette émission, qui sont un très bel exemple en fait de ce qui se fait de cette manière-là. Oui, voilà. Alors, oui, effectivement, le non-faire est, c'est une expérience vraiment très intéressante. Depuis ses débuts avec l'atelier du non-faire à Maison Blanche, sur le côté artistique, enfin tout ça, c'est là qu'on voit quand même qu'il y a, il y a quand même des gens, même des gens qui ont été catalogués malades mentaux, qui sont quand même d'un point de vue artistique, des gens qui sont capables de créer des choses extrêmement belle et extrêmement intéressante, hein. Et puis donc le J'aime des amis du non-faire, effectivement, qui est un endroit extrêmement riche et productif aussi au niveau de la réflexion et de la pensée sur la psychiatrie. Et ce sont pas des gens, moi j'ai eu l'occasion de les rencontrer quelques fois, et ce sont pas du tout des personnes qui, en tant qu'ancien ou actuel patient de la psychiatrie, ne passent pas leur temps à descendre en flamme la psychiatrie. Ce sont des gens qui ont une certaine analyse de ce qu'ils ont vécu, une analyse de la manière dont ils ont été soignés. Et on a effectivement, encore une fois, je le répète, on a des choses à apprendre de la part de ces personnes. Et je crois que s'il y a un espoir, hein, s'il est bon, il est de ce côté-là, hein, parce que je crois que là, pour que le côté de la psychiatrie, de service public, du côté des professionnels et du côté des institutions, là on est en pleine régression totale. Alors espérons qu'il y aura peut-être à un moment donné le balancier va partir de l'autre côté et qu'on reviendra à des choses un peu plus intéressantes et surtout un peu plus positives pour les personnes, quoi. Mais bon, pour l'instant en tout cas c'est mal embringué cette affaire là mais bon, c'est pas... Donc allons voir les associations plutôt. Oui, effectivement, mais c'était Bah, merci beaucoup Philippe Clément. Bah, c'est moi qui vous remercie, et puis j'espère avoir dit des choses de manière à peu près cohérente, mais cette affaire-là est tellement complexe qu'on a du mal soi-même à s'y retrouver. Enfin, bah, merci beaucoup. Merci à vous. C'était donc la deuxième partie d'un entretien avec Philippe Clément, infirmier psychiatrique et auteur de deux bouquins, Bienvenue à l'hôpital psychiatrique et La forteresse psychiatrique. Cette émission sera rediffusée mercredi 8 avril à 10h sur FPP et puis vous la retrouverez dès ce soir sur www.intempestive.net. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnu et recommandé.